Tu m'avais tout promis, même le bonheur. T'es pas pour tout m'enlever, rien que d'un coup. Après m'avoir prise, après avoir fait de moi ce que tu voulais, Horace. Laisse-moi pas toute seule. Je vais mourir. Je vais mourir. Marguerite? Relève-toi, Marguerite. Venez, Marguerite. Vous ne pouvez pas rester là, vous allez prendre froid. Je vais vous conduire à votre chambre, vous allez vous reposer. Laissez-moi! Je suis capable de monter à ma chambre toute seule. Une affaire en or, mon cher monsieur. 10 000 $ pour la maison, 3 000 $ pour le terrain, plus les frais divers. La ville sera en mesure de vous verser tout près de 15 000 $. Refuse, Virgile! Bougez pas, madame, je vous en prie. Si tu bouges, j'ai pas te dessiner les oreilles à place des yeux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre offre? Avec 15 000 $, vous pourriez vous installer dans un beau petit bungalow tout neuf. Vous êtes solide comme la Banque d'Angleterre. Vous pourriez même vous permettre d'avoir une belle petite voiture. Comme vous dites. C'est avantageux. Je n'accepte aucun argent. Je vous ai demandé de ne pas bouger, madame Blanche. Mon cher monsieur, savez-vous que vous exercez une profession assez extraordinaire? Les gens à qui vous rendez visite doivent vous bénir. Vous frappez à leur porte à l'improviste un après-midi. Vous entrez. Et 5 minutes plus tard, vous leur lancez un petit bungalow tout neuf par la tête. Eh bien, je vous envie. Surtout quand on a affaire à des propriétaires comme vous, c'est doublement agréable. Si j'étais plus jeune, puis si j'avais un peu plus d'ambition, j'essaierais. Oui. Je pense que j'essaierais de devenir estimateur. C'est effrayant comme je me rendrais populaire dans le quartier. Il faut se laisser gagner. Bougez tant que vous voudrez, madame Blanche, mais de grâce, ne bougez pas la tête. Comme vous voyez, nous avons un artiste très exigeant avec nous. Il demande à une femme de ne pas être curieuse. Oui, en effet, oui. Oui, mais pour revenir à nos moutons, là... Aimez-vous la peinture, vous? Oui, beaucoup. Justement, j'ai chez moi, tiens, une collection assez imposante de belles images de calendrier. Ouais. Ça doit avoir énormément de valeur, hein? Ah, oui, j'ai l'Angélus de Millette, de la poule aux yeux d'or, de... Oui. Comment est-ce que c'est? Ah, je sais plus trop qui, là. Ah, évidemment, moi, je collectionne en amateur. Hein. Et puis, les calendriers, ben, ça revient moins cher que les originaux. À vous voir, on sent tout de suite que vous êtes un homme très pratique. Prendriez-vous un whisky? Ah, ben, j'aimerais ne pas vous refuser, mais sur le travail, comme ça, ça nous est interdit. À vous, patron? Oui. Ah, je les comprends. Ils tiennent pas à vous voir lancer des milliers de dollars au cas de vent, hein? C'est bien ça, oui. Bon, mais voulez-vous signer ici, au bas de la page? Pardon? Eh bien, je vous demande de signer ce papier. Non, Virgile! Vous avez vu? Cette fois, il n'a pas tourné la tête. Je crois que notre ami artiste va finir par l'adresser. Oui. Vous savez, ils sont très forts, les artistes, oui, très forts. Et voulez-vous signer, s'il vous plaît? C'est à notre Rembrandt qu'il faudrait demander ça. D'habitude, ce sont les artistes qui donnent des autographes. Je vous en prie, monsieur. Écoutez, moi... Je trouve ça très plaisant d'être ici dans ce jardin puis de causer avec vous, mais malheureusement, j'ai bien d'autres chats à fouetter. Mais dans ce cas-là, gênez-vous pas pour nous, mon cher ami. Fouettez! Mais avant, j'ai besoin de votre signature. Je voulais donner le cancœur, mais vous avez été témoin. Ma femme me l'interdit. Je suis un homme modèle, moi, monsieur. J'ai toujours obéi à ma chère épouse. Ah. Ce qui veut dire que vous refusez notre offre. Vous comprenez vite. Vous irez très loin. Mais voyez-vous, Il y a des choses qui s'achètent pas. Même si nous y mettions le prix? Pour ce pauvre taudis à deux étages, pour ce jardin où il pousse de la mauvaise herbe, ça serait très cher. Qu'exigez-vous en retour? L'hôtel de ville, la compagnie des transports et le Mont-Royal comme domaine privé. Vous n'avez pas objection à sortir par la ruelle? C'est peut-être par là que vous sortirez, vous aussi, dans un mois. Un mois? Nous avons bien le temps d'y passer, hein? Écoutez, moi, ça me fait rien. Les plans d'élargissement sont tracés, les contrats sont donnés. Dans un mois, il n'y aura plus de maison de ce côté-ci de la rue. J'ai le plaisir de vous fausser compagnie, monsieur. Tout le plaisir est pour nous, mon cher monsieur. Et surtout, n'en venez plus, hein? À notre âge, on évite les émotions fortes. Merci, monsieur. Vous en êtes bien tiré pour le moment? Un amateur de calendrier. Je suis fier de toi, mon vieux. Moi aussi. Et je suis même obligé de confesser que j'en éprouve une certaine vanité. Ça fait du bien de sentir sa force de temps à autre. J'aurais dû le garder plus longtemps, tiens, pour faire durer le plaisir. J'avais un frère, moi. Ephraim, tu te rappelles? Il est mort il y a 10 ans. Il était exactement comme lui. C'était le genre à nous lancer des 10 000, 20 000 $ à la tête. Seulement lui, il était dans l'assurance. Il n'achetait pas de souvenirs. Mais votre peur de mourir, dépêchez-vous de terminer votre toile, jeune homme, et de vous immortaliser. Dans un mois, ma femme aura plus le plaisir de poser pour vous. Ce sera tout pour aujourd'hui, Madame Blanche. C'est regrettable. Maintenant, j'ai plus tellement envie de bouger. Vous savez, si votre mari veut aller devant les tribunaux, pour aller traîner pendant au moins une année. Une année. Une année. Pensez-vous qu'on aurait le temps de mourir? Il fait plus tellement clair pour lire. J'ai de bons yeux, mademoiselle. Vous êtes comme les hiboux. Je peux m'asseoir? Vous êtes chez vous autant que moi. Merci. Il fait beau. L'air est doux. Je me demande pourquoi je me suis recouvert les épaules d'une écharpe. Vous trouvez pas qu'il fait beau? Mm-hmm. Croyez-vous qu'il va pleuvoir cette nuit? Non, je pense pas. Tant mieux. Quand il pleut la nuit, je dors pas. J'ai beau prendre des somnifères, ça m'aide pas du tout. On dirait que la pluie me trouble et ça me fait mal ici. Il pleuvra pas, vous pourrez dormir. Mais à bien y songer, ça me serait égal s'il pleuvait cette nuit. Pourquoi dormir quand on est toute seule? À quoi pensez-vous? Oh, rien, je lis mon journal. Évidemment, ce que je dis peut pas vous intéresser. Vous aimez mieux écouter les boniments des jeunes filles. Leur jeunesse le séduit davantage. Vous vous mêlez facilement des affaires des autres, Marguerite. Pourquoi est-ce que vous êtes si dure avec moi? Je n'aime pas m'attendrir. C'est une façon comme une autre de séduire les femmes. Aimez-vous ma robe? Elle vous va bien. Je vous ai aperçu de ma fenêtre tout à l'heure, puis je l'ai mise avant de descendre vous parler. Je suis certaine que vous avez compris mon malheur l'autre soir, quand Horace m'a quitté. Je sais pas. Le mois de Marie doit achever. Prenez patience, Joanne. Ne mettra plus beaucoup de temps à revenir. Le temps pas. Vous mentez. Oui, probablement. M'en offrez-vous une? Je me demande pourquoi ils nous ont laissés tout seuls ce soir. Je l'ignore, c'était sûrement pas calculé. C'est étrange, je commence à avoir froid. J'ai pourtant bu un peu de gin avant de descendre. Pour me réchauffer, je grelottais. Couvrez vos épaules, vous avez une écharpe. Vous avez raison. Mais je crois que ce sera pas suffisant. J'aurais dû boire un peu plus. Vous pouvez retourner à votre chambre. Je veux pas rester toute seule. Depuis l'autre soir, chaque fois que je rentre dans ma chambre, j'ai l'impression que le vide se fait autour de moi et que je tombe dans un gouffre sans fond. Je me souviens quand Horace m'a quittée. Je pleurais et vous m'avez prise dans vos bras. C'est comme si vous m'aviez empêchée de mourir. Pourtant, vous m'avez repoussée. Un homme venait de me blesser. Il était à l'image de tous les autres hommes. Ouais, c'est bien ce que j'ai compris. Est-ce à force de peine que vous en arrivez à si bien comprendre les autres? En essayant de peindre, oui. Avez-vous déjà peint une femme de mon âge? Peut-être, je me rappelle plus. Croyez-vous qu'une femme de mon âge puisse être un modèle intéressant? Sans doute. C'est drôle. J'aimerais poser pour vous ce soir. De la manière que vous voudrez, j'aurai confiance en vous. J'ai travaillé tout l'après-midi, j'ai assez peint aujourd'hui. Dans ma chambre, il y a un divan en verre et des tentures fleuries. C'est un cadre qui vous plairait, peut-être. Oui, j'y penserai, Marguerite, une autre fois. Une autre fois, je pourrai plus, peut-être. Un beau matin, je me réveillerai, puis j'aurai vieilli de 10 ans. Je vous en prie, n'insistez pas. Alors, faites comme l'autre soir. Prenez-moi dans vos bras, puis consolez-moi. Faites-moi oublier le chagrin qui me dévore. C'est ce jeu, Marguerite, c'est puéril. D'ailleurs, vous devriez cesser de boire. C'est indigne de vous. Vous me trouvez laide, hein? C'est pas moi que vous aimeriez peindre. C'est pas le corps d'une vieille fille, mais celui d'une jeune, celui de Joanne. Elle a 20 ans, elle est pure. Elle demande qu'à être possédée, qu'à être salie. Et vous le savez qu'elle demande rien que ça. Je vous ordonne de vous calmer. Je veux pas me calmer, je peux plus me calmer. Je suis rendue trop loin maintenant pour me taire. Je vous méprise autant que j'ai méprisé Horace quand il est parti après m'avoir prise et souillée. C'est la même lâcheté que je lis désormais dans les yeux de tous les hommes, puis je vous déteste comme je déteste le reste du monde! Oh, très bien, Marguerite, je vous cède la place. Comme ça, vous pourrez crier à votre guise, haïr le monde entier à votre aise. Bonsoir. Non! Laissez-moi pas toute seule. Joanne. Ah, oh, c'est vous. Bonsoir, Roméo. Joanne n'est pas là? Non, elle est sortie. Dans combien de temps qu'elle va venir? Je ne sais pas. Voulez-vous vous asseoir et l'attendre? Je m'assoirai si je veux. Je suis pas fort sur la patience. On est bien ici. C'est reposant. On a l'impression d'être à l'autre bout du monde. Est-ce que vous aimez cette musique-là? On l'a déjà dansé, Joanne puis moi, le premier soir que je suis sortie avec elle. Danse. Ça, c'est merveilleux. Moi aussi, j'allais danser avec mon ami tous les samedis soirs. Il était jeune et beau comme vous. Il y a longtemps de ça. Si j'osais, je vous demanderais de danser avec moi. Ça me rappellerait mes plus beaux souvenirs. C'est une idée comme une autre. C'est pas souvent qu'une femme invite un gars. La dernière fois, c'était avec un monsieur qui s'appelait Horace. On avait bu du vin. On se penserait sur le plancher du Palais d'Or. Les lilas commençaient à fleurir. Ça sentait bon autour de nous. Sais-tu que la noirceur t'embellit? J'ai déjà été belle, vous savez. Ça se voit. Jamais personne m'a serré aussi fort. Ça danse mieux, tu trouves pas? On a un meilleur contrôle. Oui. Tout d'un coup. T'aimes pas ça? Je suis pas ce que vous pensez. Je suis pas le genre de fille à se laisser embrasser par n'importe qui. Dis pas ça. Je suis pas n'importe qui. Je vous demande de partir. C'est trop laid. C'est trop laid. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Allez-vous-en. Correct, correct. J'aime les filles, OK, mais pas assez pour me traîner au pied d'une vieille trousse. Partez. OK, OK. Tu diras à Joanne que je suis passé. C'est dommage, les lilas vont bientôt s'en aller. Je me demande pourquoi ça dure pas plus longtemps. Tout ce qui est beau est éphémère. T'as passé la soirée seule? Pardon? Je te demande si tu as passé la soirée seule. J'essayais de m'imaginer comment ça sonnerait si on se disait tu. Je croyais que ce serait aussi très difficile entre nous. Il suffit d'essayer une fois, après ça, ça va tout seul. Bien, j'ai passé la soirée à me promener ici et là, à t'attendre. J'avais besoin de ta fraîcheur autour de moi. Une chose. On devient prisonnier de ce jardin. On devrait sortir d'ici un peu. T'aimes pas ça, être prisonnier, hein? J'en ai pas l'habitude. C'est pour ça que je t'aime. Embrasse-moi. Mieux que ça? Ça, c'est comme l'autre soir. Oh, je t'aime. Emmène-moi n'importe où. Veux-tu être mon amant? T'as appris ce que c'était? Tu vas me l'apprendre. Où tu m'emmènes ce soir? Je sais pas. Oh, je voudrais aller dans un club. Quel club? N'importe lequel, je suis jamais allée dans un club. Tu sais, c'est pas tellement intéressant. Ça fait rien, tu seras avec moi. Moi, je te propose une promenade sur le port et dans le vieux quartier de la ville. J'accepte. Je monte à ma chambre, je me mets du rouge, puis j'apporte un chandail. Ah oui, c'est nécessaire? Ben oui. Embrasse-moi. Sa chambre était ouverte. Elle s'est pendue avec une écharpe. Dis-moi que j'ai rêvé, Vincent. Elle avait peur qu'il ne pleuve cette nuit. Elle croyait qu'elle ne pourrait pas dormir. Dis-moi la vérité. Je veux savoir la vérité. Elle est morte. J'imagine toujours que ces choses-là n'arrivent pas dans la vie. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tu vas prévenir les deux vieux. Moi, je vais chercher la police. Juste comme on allait être heureux. Dis-moi que c'est pas vrai, Vincent. Dis-moi que c'est pas vrai! C'était pas possible, Joanne. Rien n'est plus possible depuis que j'ai mis les pieds ici. Récapitule avec moi si tu veux. Horace, Marguerite, Roméo qui t'a laissé. Mais je l'aime plus, je l'ai oublié. Les deux vieux vont bientôt perdre leur maison. Tu t'apprêtais à te donner à moi sans savoir que moi aussi je t'aurais laissé un jour. C'est un bilan pitoyable. Partout où je suis passé, j'ai laissé l'empreinte de ma détresse dans le cœur des autres. Je vais chercher la police. On me prendra comme témoin, on m'identifiera et tu sauras enfin qui je suis. Mais qui es-tu, Vincent? Dis-le-moi avant de t'en aller. C'est trop tard. Demain, dans le quartier, les journaux, on dira du mal de moi et ce sera très bien. Mais moi, je te défendrai, Vincent. N'importe. Joanne, personne ne peut me sauver de moi-même. Vincent! As-tu fait paraître des annonces dans le journal? Oui. Il est venu personne encore. On aurait de la difficulté à trouver trois nouveaux pensionnaires après ce qui s'est passé. Pauvre Marguerite. Pauvre fille. Et ton monsieur Marquis, il a eu sa tête dans le journal le lendemain. Un ancien conspirateur, un traître à sa patrie. Je me demande pourquoi il était venu se réfugier chez nous. On n'aurait pas dit ça à le voir. C'était pourtant pas un méchant garçon. J'ai plus envie de trouver de nouveaux pensionnaires, si tu veux savoir. J'ai plus envie de rien. Non, Virgile. Oui, ma vieille. Pourquoi se créer des illusions? Notre temps est fini. Que l'estimateur de la ville revienne, puis je signe. Je veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu te défendes jusqu'au bout. Et pourquoi? Pour gagner quoi que moi? Même si c'est un seul jour. Non. faut être raisonnable, faut se rendre à l'évidence, puis un petit bungalow tout neuf, ça remplacerait peut-être notre vieille maison. Mais j'en veux pas, un petit bungalow tout neuf. Je veux rester ici. Je veux mourir ici. Il y a l'hospice aussi, ma vieille. Virgile, tu vivrais, toi, dans l'hospice. Rappelle-toi, quand ma sœur est morte, hein, on est allé la voir à l'hospice. On est resté rien qu'une heure. On n'en pouvait plus. Hein. Ça sentait le renfermé. Puis la mort. Je sais tout ça. Et puis, la petite Joanne est encore avec nous. On n'est pas complètement seul. Ça, c'est une raison pour continuer. Hein? Peut-être. Oui, peut-être. Intente un procès à la ville. Ça peut durer longtemps, un procès. Même si t'es sûr de perdre. Je vais y penser. T'as peut-être raison, Blanche. Ah, j'ai raison pour sûr. Toi-même, Virgile, tu serais pas capable de vivre ailleurs qu'ici. On est trop vieux, toi et moi, pour être déracinés. On parlait justement de toi, ma petite fille. Oui, on disait comme on était heureux de t'avoir avec nous autres. C'est un télégramme que j'ai reçu cet après-midi. Voulez-vous le lire, Monsieur Virgile? Ta mère, très malade, reviens à Québec. Papa. Tu vois ce que je disais? Elle aussi. Faut pas pleurer, ma vieille. Pas devant elle. La vie nous demande d'être courageux une dernière fois. Mais où est-ce en soi qu'on puise du courage, Virgile? Te rappelles-tu? Au fond du cœur. Tant qu'il bat, le bon Dieu est censé nous en avoir laissé. Mais le bon Dieu, il commence à nous oublier un peu depuis quelque temps. Il s'est occupé de nous pendant si longtemps. Il faut bien qu'il pense aux autres, des fois. Tous les autres, tous ceux qui vivent en dehors de notre jardin, puis qu'on a oubliés. Attends. Je reviens. Rien oublié? As-tu ton billet de train, là? Je l'ai acheté en sortant du bureau. Tu vas voir tes parents, ça va leur faire plaisir. Si ma mère était pas gravement malade, je retournerais pas à Québec, je resterais avec vous. Après tout ce qui est arrivé, ce sera pas bon pour toi. T'arriverais pas à oublier. Il reste déjà plus de lilas. J'aurais voulu m'en couper une branche. Le temps des lilas passe vite, hein? Ça a permis aux muguettes de fleurir. Des fois, dans les trains, ça sent le renfermé. Tu respireras ton muguet, ma poulette. Joanne? J'ai pensé que tu pouvais le garder plus longtemps que moi. S'il y avait eu le temps, je sais qu'il aurait peint des lilas au fond. C'est un drôle de garçon, hein, Madame Blanche? On aurait dit qu'il n'arrivait pas à trouver sa place sur la terre. tout ce qu'on avait de jeune vient de s'en aller. Il reste l'hospice. Si on avait notre fils, il nous prendrait avec lui. Il nous resterait encore que de bonnes années à vivre. Ils sont tous morts. Ils sont tous partis. Maintenant, on est tous deux tout seuls. C'est vite passé une vie, hein? Ça t'a paru court, le chemin qu'on a fait ensemble, hein? Si court. C'est court, mon vieux, que j'aurais envie de recommencer.